Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'élection sud-africaine de 1994. Vous avez fait preuve de tant de calme, de patience et de détermination pour reconquérir ce pays. Avec une immense joie, nous pouvons crier fort sur les toits. Enfin libre. Enfin libre, clame Nelson Mandela le 3 mai 1994, le jour où l'ancien président d'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk, lui concède la victoire à la tête du pays. L'élection sud-africaine de 1994 marque en effet la fin de cette longue marche du peuple sud-africain vers sa liberté. Cette élection historique qui porte Mandela au pouvoir est la première élection libre et multiraciale du pays et enterre une fois pour toutes le régime politique de l'apartheid. Les Sud-Africains n'ont pas attendu que le dépouillement des voix soit terminé pour célébrer dès hier soir la victoire de leur nouveau président noir. Frédéric de Klerk avait cependant déjà concédé la victoire à Nelson Mandela, qui deviendra vendredi le premier président noir de l'Afrique du Sud. Le reportage de Lucie Pagé. Monsieur Mandela est arrivé en dansant hier soir pour prononcer son discours de victoire, la victoire du peuple, a-t-il dit. À peine avait-il fini son discours que des centaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues à travers l'Afrique du Sud pour célébrer la victoire de l'ANC, ou plutôt la victoire de la démocratie. Le spectacle était incroyable. Noirs, blancs, métis, indiens, il y avait des gens de toutes les races qui dansaient, chantaient ensemble, qui s'embrassaient sans se connaître, qui pleuraient littéralement de joie. Dans la ville de Johannesburg, les rues étaient pleines. Les gens, debout sur les toits des autos, jubilaient. Les feux d'artifice illuminaient le ciel. Là où M. Mandela a donné son discours au centre-ville de Johannesburg, les gens grimpaient le long des murs de l'édifice. Ils voulaient voir l'homme, le héros, leur nouveau président. M. Mandela a déclaré « Vous êtes libre enfin », en ajoutant qu'il faut maintenant rebâtir ce pays. « Le vrai travail commence », a-t-il averti. Lucie Pagé pour Radio-Canada à Johannesburg. Le 3 mai 1994, l'Afrique du Sud, vous venez de l'entendre, vit une explosion de joie quand est confirmée cette victoire de Nelson Mandela aux élections qui se sont déroulées quelques jours plus tôt, entre le 26 et le 28 avril 1994. Pour nous rappeler le contexte bien particulier dans lequel se déroule cette élection, je reçois mon collègue, le journaliste et animateur Alain Gravel, qui était juste avant l'élection et quelques temps plus tard en Afrique du Sud pour voir comment ça se passerait. Alain Gravel, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait, Alain Gravel, de cette élection, celle d'avril 1994, une élection si importante, une élection historique, Alain? Ben, vous l'avez dit, c'était cette longue marche du peuple noir sud-africain vers la liberté, longue marche de 1948 lors de l'instauration officielle du système d'apartheid jusqu'à la libération de Nelson Mandela en 1990. Mandela qui a passé 27 ans en prison, dont je pense, à mon souvenir, 18 ou 19 à Robben Island, une île complètement isolée au sud de la ville du Cap dans l'océan Indien. Alors, c'était un moment historique. J'écoutais en ouvrant, donc, lorsque vous avez ouvert l'émission, ces extraits, ça me donne des frissons pour le moment, mais aussi pour l'homme. Pour moi, Nelson Mandela, c'est l'homme, avec Gandhi, c'est l'homme du 20e siècle. Ouais. Donc, cette élection, c'était l'occasion donc pour les Noirs de voter, mais c'était, il y avait un très, très grand défi, hein, parce qu'il y avait cette menace de guerre civile. Malgré la libération de Mandela, malgré la décision des autorités blanches de tenir ces élections, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Il y avait des Afrikaners, donc, d'extrême droite qui voulaient avoir leur propre État. Et il y avait, donc, il y a eu des émeutes, il y a eu des morts, il y a eu des attentats. Donc, on craignait ce moment de cette élection. Ouais. Et la grande réussite de l'ANC et de Mandela, c'est d'avoir réussi une transition, pas nécessairement tout en douceur, mais de façon démocratique, sans qu'il y ait trop de casse. Avec une vision, puis on y reviendra, mais c'était clair, Mandela avait pensé à ce jour-là, l'espérait, en rêvait, mais savait très bien ce qu'il ferait et ce qu'il dirait aux Sud-Africains avec cette vision d'un pays arc-en-ciel, mais on va reparler de tout ça, bien sûr, un peu plus tard dans l'émission. Revenons sur ce parcours extraordinaire. Vous le disiez, c'est une longue marche. C'est ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que c'est le parcours d'un homme qui va passer 27 ans de sa vie en prison, donc qui est dans la pyramide sociale à la base, à l'extrême base, et qui va atteindre les plus hauts sommets des fonctions possibles dans un pays, celui de la présidence. C'est son destin à lui qui est à la fois le destin de ce peuple sud-africain. Donc revenons à ce qui est probablement le premier pas qui conduit à l'élection d'avril 94, celui que franchit Nelson Mandela quand il sort de prison en février 1990. Premier pas d'homme libre, les portes de la prison Victor Verster sont derrière lui, devant une foule de sympathisants et des cris « Liberté, liberté !» 15h15, heure de Paris, Nelson Mandela vient de quitter sa prison. 27 années de sa vie se sont écoulées, 27 années passées derrière les barreaux. Moment historique, les premières paroles en public de Nelson Mandela. Les Noirs d'Afrique du Sud attendaient cela depuis 27 ans. Je me tiens devant vous, non pas en tant que prophète, mais en tant qu'humble serviteur de vous, le peuple. Des paroles rassurantes dans la foule cet après-midi, une banderole, le soleil brille sur l'Afrique du Sud. Extrait du journal télévisé d'Antenne 2 du 11 février 1990. Alors, rappelons un peu ce contexte qui va conduire à l'élection de Mandela en 1994, Alain Gravel. Est-ce que c'est ce moment qu'on vient d'entendre, la sortie de prison de Mandela, qui est le premier pas vers l'élection de 1994? Le premier grand pas, mais avant, il y en avait eu un peu. Les Blancs qui étaient au pouvoir, le Parti national qui était au pouvoir depuis 1948, ils savaient bien que, dans le fond, le régime d'apartheid, qui était un régime de séparation des races extrêmement mesquin, à un point tel qu'il y avait des instituts universitaires qui étudiaient justement la façon de séparer les races. Donc, le parti gouvernemental savait bien qu'il se présentait, qu'il allait frapper un mur, ne serait-ce que par les sanctions économiques internationales. Le régime d'Afrique du Sud était mis au banc de la politique internationale. Et donc, dans les années, vers la fin des années 80, même Peter W. Botha, qui était le président, qui tenait la ligne dure, a accepté de rencontrer Mandela alors qu'il était toujours détenu. Il l'avait invité, donc on l'avait escorté à la résidence présidentielle pour une rencontre. Et de là, et après, Botha est tombé malade, de Klerk le remplacé. Et dès 1989, donc on a préparer la libération de Nelson Mandela en le mettant en résidence surveillée. Il y a eu plusieurs rencontres avec Frédéric de Klerk, donc pour éviter justement que la guerre civile soit déclenchée et pour assurer une transition pacifique et démocratique. Donc il y avait une feuille de route, là, une négociation entre le pouvoir et Mandela. Ah oui, ça ne s'est pas fait comme ça. Ouais. Et donc ça s'est préparé. Et lorsque Mandela a été libéré, je me souviens aussi, entre autres, à Montréal, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 1990, au Champ de Mars, donc derrière l'Hôtel de Ville de Montréal, Mandela a été accueilli. Il a fait une tournée internationale pour remercier les pays qui avaient appuyé les sanctions contre l'apartheid. Brian Mulroney, c'est probablement son plus grand fait d'armes comme premier ministre du Canada, était un des leaders, justement, pour lutter contre le régime d'apartheid. Et donc, Mandela s'est promené un peu partout. Ouais. Et donc, cette libération a permis par la suite d'élaborer une constitution provisoire qui a mené à cette élection de 1994. Et de fait, ça va se négocier. Ça va se négocier entre Frédéric de Klerk, qui est à ce moment-là président du pays, et Nelson Mandela, qui sait qu'il sera éventuellement libéré par le gouvernement de Klerk. De fait, qu'est-ce qui appartient à... Parce qu'ils ont travaillé ensemble en 1993, ils vont recevoir tous les deux, donc un an avant l'élection de 1994, le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qui appartient à l'un et à l'autre dans cette marche vers la liberté et vers l'élection de 1994? Le grand personnage, c'est évidemment Mandela, qui a toujours gardé le cap, qui a cru en son idéal d'égalité dans son pays à un point tel où il a été emprisonné pendant 27 ans. Mais quand même, de Klerk est celui qui a... Botha avait entrouvert la porte. De Klerk a permis, en libérant Mandela, a permis Mandela à devenir ce personnage historique qu'il a été. Il faut aussi comprendre, ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette constitution je pense que c'est 1993, sur la constitution provisoire qui avait été adoptée, tout était prévu pour qu'il y ait quand même un certain équilibre à cette élection. Donc, c'était autrefois un système système uninominal à un tour, un peu comme ici. On est élu un député, ce qui amène beaucoup de distorsions lorsque un parti prend la majorité. Donc, on a changé ce système pour un système proportionnel de partis sur des listes. Oui. Et ce qui permettait au Parti national, le Parti des Blancs, majoritaire des Blancs, d'avoir une certaine position dans le futur Parlement et ce qui a permis à de Klerk de devenir un des deux vice-présidents. Oui. Donc, garder une certaine influence sur la conduite des affaires du pays. En fait, chaque parti qui obtenait plus de 5 % des suffrages se voyait octroyer un nombre de sièges proportionnel au vote qu'il avait obtenu au Conseil des ministres. Mais c'est vrai que c'est un système qui était bien pensé, de façon temporaire, évidemment, ce système-là. Revenons à l'élection d'avril 1994. Vous allez donc passer quelques semaines en Afrique du Sud, juste avant l'élection, Alain Gravel. On écoute justement un extrait de l'un de vos reportages diffusé à l'émission Le Point en avril 1994. En apparence, tout respire la quiétude et le calme dans l'État libre d'Orange, le foyer national des Afrikaners, ceux qu'on appelle les Boers. C'est ici que vivent les grands propriétaires terriens blancs, ces riches fermiers nationalistes souvent accusés d'être racistes. Derrière ces doux paysages se profile la rage d'une bonne partie de la population qui se prépare à la guerre, rien de moins. Very good for the stomach muscle, especially after breakfast. Eddie Van Maltitz habite un petit village de l'État libre d'Orange. Il incarne à lui seul toute la colère des extrémistes blancs sud-africains. The guys are fit to leave you alone. À tous les matins, Eddie Van Maltitz va traire ses vaches, toujours revêtu de sa combinaison de commando. Où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse, il est armé. Même chose pour les membres de sa famille. Sa fille, une adolescente de 17 ans, ne quitte jamais son fusil d'assaut, une M16. Les Van Maltitz sont en guerre avec à peu près tout ce qui représente le changement en Afrique du Sud. Ils en veulent surtout aux pays qui ont imposé des sanctions à leur pays, les États-Unis en tête. Il a fait faillite à cause des sanctions et de ses activités politiques. Cela alimente sa colère et sa détermination à lutter contre ceux qui veulent le changement. Vous nous disiez il y a quelques minutes, Alain Gravel, qu'il y avait de la tension quand vous êtes allé en Afrique du Sud. On le comprend bien avec ce qu'on vient d'entendre. Là, il y a vraiment une guerre, une espèce de guerre entre ces Blancs très riches et ces Noirs qui veulent accéder au pouvoir. Parlez-moi de ça. Qu'est-ce que vous constatez quand vous êtes là? Quoi? Quelques semaines avant l'élection? Van Maltitz, je m'en souviens comme si c'était hier, cette grande ferme dans l'État libre d'Orange, donc qui faisait partie du groupe qui voulait avoir un État séparé pour les Blancs, lors de cette élection de 1994. Autour de sa ferme, il y avait des sacs de sable partout. Et je me souviens, parce que j'essayais d'argumenter avec lui sur l'égalité entre les races, puis il me disait, Alain, est-ce que tu es déjà venu avec... as-tu déjà été en Angola? Es-tu déjà venu à Mogadiscio? Il dit, moi, j'y ai été comme militaire. Et donc, son argumentaire, c'est de dire que la race noire est une race inférieure, que c'était impossible de s'entendre avec eux. Et lui, il était prêt au combat, là. Hein? C'était, et, comme je disais, donc, et tout le monde allait faire, se vaquer à ses occupations sur la ferme, solidement armé. Mais ce qui est assez extraordinaire de cette élection en 1994, donc on craignait, comme je vous le disais tantôt, une certaine forme de guerre civile. Oui. On craignait que ce parti d'extrême droite, qui était le Front de liberté, puisse obtenir plus de 5 % des votes et avoir une représentation au Parlement. Mais ils n'ont eu que 2 %. Mm-hmm. Donc, ce vote extrémiste blanc et s'est marginalisé, ce qui a ouvert la voie à une transition démocratique dans ce pays d'Afrique du Sud. Bonsoir, mesdames et messieurs. Une journée émouvante, bouleversante même pour les Noirs d'Afrique du Sud, qui se sont précipités dans les petites heures, dès les petites heures, pour aller exprimer pour la première fois de leur vie leur volonté démocratique. Des files qui s'allongeaient parfois sur 2 kilomètres devant les bureaux de vote, au point où on a manqué de bulletins, qu'on en imprimera 5 millions cette nuit, c'est l'armée qui va les distribuer, même que le troisième jour de vote de demain était décrété jour férié pour faciliter les choses. Mais ces difficultés, de même qu'un autre attentat ce matin, n'ont pas découragé les gens d'aller voter. Les observations de Jean-Michel Leprince, là-bas. Au moment de l'attentat de l'aéroport, Nelson Mandela, le prochain président, votait à Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, pour la première fois de sa vie. C'est la réalisation de nos espoirs et de nos rêves, a-t-il dit. It is the realization of hopes and dreams. Son adversaire et partenaire du démantèlement de l'apartheid, le président F.W. de Klerk, a voté, lui, à Pretoria. Dans les longues queues formées dès 4h ou 5h du matin, comme ici à Soweto, régnait une très grande joie. I'm very excited. You can see happiness written all people's faces. What about you, ma'am? Oh, I'm so happy, very, very happy. I'm going to make my cross. Extrait du téléjournal du 27 avril 1994. On l'entend dans ce reportage, cette joie, cette fierté des Sud-Africains de participer à cette première élection libre et multiraciale. En même temps avec, on l'entend aussi dans le reportage, Alain Gravel, un attentat quelques heures avant l'ouverture des bureaux de scrutin. Parlez-moi de cette journée-là. Comment ça se passe? Comment ça se déroule, ce vote-là? Bien, ça se passe relativement bien. Donc, il y a eu cet attentat, mais il y en a eu surtout avant l'élection. Oui. Je me souviens, quelques semaines avant, on était à Johannesburg, on habitait à un hôtel, et en bas, il y avait eu un gros attentat où il y avait eu des morts, et c'était des gens d'extrême droite qui s'en étaient pris à la foule. Donc, il y avait eu plusieurs attentats, comme pour faire peur aux gens, pour qu'ils ne se rendent pas voter. Et ce qui était aussi intéressant, en parallèle donc de ce climat de violence qui existait avant l'élection, je me souviens, on se promenait dans les townships, donc ces quartiers réservés à la population noire, où des ateliers étaient organisés pour expliquer aux gens comment aller voter. Hein? C'est quand même assez extraordinaire. Et on voyait le bonheur. C'est ça qui était fantastique, c'est de voir le bonheur donc des gens qui ont souffert si longtemps de pouvoir prendre part à la vie démocratique et politique de ce grand pays d'Afrique du Sud. Et le résultat, il va être sans ambiguïté aucune, victoire éclatante de l'ANC et de Nelson Mandela. Oui, plus de 60% du vote pour l'ANC. Je pense que c'était autour de 10% pour le Parti national, l'Inkatha aussi, parce qu'il y avait aussi une autre force politique noire, l'Inkatha, qui représentait la plus grande ethnie d'Afrique du Sud, les Zoulous. Mais avec plus de 60% des votes, donc l'ANC prenait le pouvoir. Mais c'était un peu en deçà du 2/3 des votes, ce qui empêchait l'ANC de pouvoir rédiger une nouvelle constitution seule. Ouais. Donc l'ANC devait cohabiter avec, avec les Blancs et avec les autres partis politiques, donc qui avaient plus de 5% de représentation au Parlement d'Afrique du Sud. En fait, c'est l'entente dont on parlait il y a quelques minutes là, qui s'applique dans la mesure où il n'y a pas cette majorité de 2/3, de 66% pour l'ANC. On l'a un peu entendu dans le reportage, c'est la joie. Là. Revenons à ce que ça veut dire pour les Africains, pour les Sud-Africains, cette élection-là. Comment ils réagissent à cette victoire-là? Ouais, moi, j'étais pas là. Comme je vous disais, j'étais là pendant quelques semaines avant l'élection, mais on le voit dans le reportage, les gens étaient extrêmement heureux. C'était comme... En fait, c'est plus qu'une élection, c'était de tourner la page à une époque, à une... Vraiment, et là, je le dis, c'est une expression qu'on connaît bien ici, à la grande noirceur du 20e siècle en Afrique du Sud, où il y a eu ces massacres, les Sharpeville au début des années 60, où la police a tiré sur des manifestants noirs, les émeutes de Soweto dans les années 70. Toute cette souffrance de cette population, non seulement qui était séparée politiquement, économiquement et géographiquement, mais qui souffrait dans des conditions économiques dégradantes. Et aussi, j'en parlais au départ, de cette mesquinerie de ce régime d'apartheid à un point tel où, pour bien isoler la population noire, ils ont créé des États fantoches qu'on appelait des Bantoustans. Il y en avait une dizaine qui étaient évidemment contrôlés par l'Afrique du Sud et où les Noirs étaient concentrés ou encore dans les townships près des villes parce que les Noirs n'avaient pas le droit de résider dans les villes. Ils venaient travailler, mais ils n'avaient pas le droit de résider dans les villes. Ce qui fait que ce moment de 1994 éliminait tout ce passé si sombre. Mmh. Le 9 mai 1994, il y aura ces paroles que vous évoquiez au début de l'émission, ce discours de Nelson Mandela, un discours important au Cap. Pourquoi et en quoi ce discours-là est si important pour la suite des choses, Alain Gravel? Parce que la grandeur, à mon point de vue, de Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à se venger. Il avait toutes les raisons, hein, ou la communauté noire avait toutes les raisons de vouloir se venger des Blancs. Il faut comprendre qu'en Afrique du Sud, donc 80% de la population est noire, 10% est blanche. Il y avait à peu près 9% métis et 2 ou 3% d'Indiens. Donc, la grande majorité de la population avait toutes les raisons de vouloir s'en prendre donc à la minorité blanche qui a dirigé le pays, qui s'est enrichi aussi sur la sueur donc du travail des Noirs. Mais la grandeur de son personnage, c'est d'avoir tendu la main donc aux Blancs, d'avoir réussi cette transition extrêmement fragile, sans nécessairement, il y a eu des attentats, mais sans que le pays sombre, dans, un peu comme il est arrivé au Zimbabwe ou dans d'autres pays. Et donc, c'est ce discours de réconciliation, un point tel aussi que par la suite, qu'il y a eu une commission de réconciliation aussi, qui inspire bien des pays maintenant, là, qui peut-être va inspirer un jour le Canada sur le traitement des Autochtones ici. Donc, cette commission de vérité et de réconciliation où tous ces gens se sont dit leur carte vérité pour tourner la page et amorcer donc une nouvelle tranche d'histoire de leur pays. Un petit mot en terminant sur votre retour en Afrique du Sud. Je pense que c'est à peu près 2 ans après l'élection. Ça nous amène à parler des défis qu'attendait Mandela après son élection, de l'état du pays quand vous y retournez quelques années après l'élection de 1994. Oui, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé de façon pratique. Et quand même, aujourd'hui, quand on regarde la condition économique de la majorité de la population des Noirs, le fossé est encore immense entre les Blancs et entre les Noirs. Les Blancs sont extrêmement riches. Il y a ces Afrikaners qui ont de très grandes terres, très grandes fermes. Il y a aussi dans les villes, il faut voir, hein, les maisons qui sont protégées par des barrières, les maisons des Blancs. Donc, au-delà de la politique, au-delà de l'aspect démocratique donc de ce changement, concrètement, la population noire demeure... Enfin, il y a des petits gains. Il y a une classe moyenne maintenant qui existe chez les Noirs, mais en gros, la situation économique demeure à peu près la même. Et donc, il reste encore beaucoup, beaucoup de chemin. L'apartheid politique est terminée. Sur le plan juridique, je pense qu'on a fait du travail aussi, mais la transformation sociale et économique, ben, ça va prendre du temps. Alain Gravel, animateur de l'émission Les Faits d'abord à notre radio. Merci beaucoup, Alain. Ça me fait plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.